Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly, love. Days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. Came into my world with love, so softly, just for one, in a bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in the gloom. Though the music's still the same, it has a bitter sweet refrain. So play the song the way it used to be. She's passing by the window. She will hear a love song and the melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Stop by and say hello. And I laugh and hide the pain. It's quite easy to let go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to she's passing by the window, she will hear a love song and the melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to. Never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Dire que je t'aime et pensait qu'elle nous aimait. Pas besoin d'argent pour vivre, vivre, ni de vêtements. Avec l'amour, mon amour, pour toujours vivre avec l'amour. Non, ce n'est pas un rêve. Si tu veux, je t'emmène. Et demain matin, verra bien. Et puis vivre avec l'amour. Mais j'ai besoin que tu m'aimes. Vivre, c'est mon unique problème. Vivre avec l'amour, mon amour, pour toujours. Vivre avec l'amour. J'ai besoin que tu m'aimes, vivre. Oui, j'ai besoin que tu m'aimes, vivre. Avec l'amour, mon amour, pour toujours vivre avec l'amour. Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Lost you, feelings like I'll never have you again in my heart. Feelings for all my life, I feel it. I wish I'd never met. Come again. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Song, telling my whole life

angry silence lay where love had been. And in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed. And as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the fatal signs I saw. You'd been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said. Refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. As I lost your love, the music days we used to share. Remember the time when I was there. I believe every single word you said. Just like a child, I lost my head. I didn't care if it was day or night. I just wanted have you by my side. The moon went up, the sun went down, but you were still around. Alta Gracia, my love. Alta Gracia, my love. Alta Gracia. Alta Gracia, my love. Remember how we spent a night, how we kissed and held each other tight. Everything was like a beautiful dream. You were the sweetest woman I have ever seen. How could I know our love wouldn't stand a chance? I had to go and end this wonderful romance. Now I'm so so sad and blue. Here without you, what can I do? I used to love her from the bottom of my heart. Didn't realize that time was slipping by. Now we're living oh so far apart. I keep praying for the days that I held her by my side, by my side. Ce n'était pas ta faute, je le sais. Je sais tout ce qui allait se passer, allez. Ton père et tout ce qu'il a pu te dire. Tes études à finir. Ton service. Ton avenir. Et puis cette fille n'est pas pour toi. Aujourd'hui, tu es heureux. Tout est bien qui finit bien, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? J'avais 16 ans. 16 ans. On ne vit pas. Qui m'attend? stare at you this way. It's strange to me why my eyes stray right straight to you. You're all I see. You're all there is when you're near me. Sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir. To cry. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Tabii ki kapanış parçam Mart ayı sonuna kadar Stromae'den gelecek. Bu güzel ortamı bölmek istemezdim ancak hayat bazen o kadar da sıkıcı gerçeklerle yüklü oluyor ki. Allah'tan parça güzel. Neyse bu haftalık da Huysuz İhtiyar'dan bu kadar diyelim ve mikrofonu Stromae'ye uzatalım. Le Bater. Hoşçakalın. T'es droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu? Rien du tout, ou tout tout de suite? Du tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout tout de suite? Flamand ou wallon? Bras ballant ou bras long? Finalement t'es raciste? Mais t'es blanc ou bien t'es marron? Hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Je suis. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille. Pour être bien vu partout, hein. Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Il a dit l'autre je suis. Bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Je suis, j'étais. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.